avoir. J'ai un passeport. Je n'ai pas un passeport. Vous avez une chambre. Vous n'avez pas une chambre. Il a une lettre. Il n'a pas une lettre. Nous avons un ascenseur. Nous n'avons pas un ascenseur.